Via Dante de François Coltès. Giancarlo traîne la savate. Il descend la Via Dante du côté où le soleil ne frappe pas encore. Mais l'ombre n'apporte qu'une insignifiante protection, seulement contre la lumière. La chaleur est lourde, épaissie d'une forte humidité. Dans le sac en plastique jaune, au bout de son bras, il y a les morceaux d'une longue courgette qu'il a prise chez Amedeo le matin. À présent, elle doit être molle. Giancarlo aimerait être chez lui, dans la cuisine, où il doit rester un peu de fraîcheur, puisqu'il n'y a qu'une porte et une toute petite fenêtre qui donnent dans la cour de la Via Petrella. Mais il n'a pas pris le bon chemin. Au carrefour, en haut, il est allé dans le sens du trottoir parce que cela descend. Il aurait suffi de tourner à droite, et il serait déjà au frais en train de boire la bière qu'il a aussi dans son sac, et qui maintenant doit être chaude. Il pourrait la boire tranquillement, dans l'ombre insouciante, après l'avoir versée dans le grand verre de moutarde au dessin bariolé. Maria Rosa lui aurait dit « Tu bois encore de la bière, testa di cazzo. » Il aurait hésité quelques minutes, aurait jeté le contenu du verre dans la rue, par la porte pour que sa femme le voie bien, puis il aurait fait comme s'il emportait la bouteille à la poubelle. Là, caché par l'angle de la rue, il aurait bu le liquide qui y restait avant de la jeter dans le conteneur. Maria Rosa disait toujours qu'il buvait trop. C'était injuste. Il ne buvait qu'une bière l'après-midi et jamais rien d'autre. Ou presque. Mais Maria Rosa ne supportait même pas cela. En revanche, elle le laissait fumer sans rien dire. Du coup, Giancarlo fumait beaucoup à la maison pour passer le temps. Dès le début de leur mariage, Maria Rosa avait pris les choses en main. Ce n'est pas que Giancarlo ait été indolent ou irrésolu, mais il ne voulait pas se disputer. Ainsi, tout de suite, Maria Rosa avait imposé ses volontés. Ils s'étaient rencontrés au mariage de Nene, le frère de Giancarlo, qui habitait encore le sud, alors que lui était déjà à Palerme où il était resté après le service militaire. Maria Rosa avait 19 ans. Elle était belle comme un cœur dans sa robe rose à rubans bleus. Elle avait les cheveux noirs et longs, et surtout, une poitrine qu'il avait tout de suite remarquée parmi toutes les autres, serrée dans un dessous qui la remontait en haut du torse. Il s'était dit alors qu'elle devait être merveilleuse et que cela pourrait bien lui suffire. Il ne put donc rien reprocher par la suite à Maria Rosa, puisque c'était lui qui avait fait des avances, trop pressé de voir ce que cachait la robe rose. Giancarlo s'arrête devant le rideau fermé de la pharmacie. D'une main, il s'appuie au métal. Les creux des ondulations sont presque remplis de poussière dure. Il s'essuie le front du revers de l'autre bras. Sa casquette s'est soulevée. Il la remet en place. Il se croit vieux et il continue son chemin comme le conduit la pente. Non pas que la côte soit si dure à remonter, mais tant que cela descend, cela lui plaît de se laisser mener. Cela s'apparente, autant qu'il s'en souvient, à la théorie de Galileo Galilei qu'il avait entendu de la bouche du guide de la tour de Pise, quand il avait fait la seule excursion de sa vie, tout de même jusqu'en Italie, pour la Luna di Miele. Ils avaient pris le train jusqu'à Messine, puis le bateau pour traverser le détroit où ils avaient regardé les pêcheurs harponner l'espadon, puis à nouveau le train jusqu'à Pise. Le voyage avait duré presque 2 jours. Ils avaient dormi durant le parcours de Reggio jusqu'à Rome. À Termini, ils avaient changé de train. Après Pise, ils devaient aller à Florence, mais Maria Rosa avait dit « Basta, ça suffit bien comme ça. » Ils étaient rentrés à Palerme. Le déplacement avait duré le double du temps du séjour à Pise. Il n'était resté qu'une nuit à l'hôtel où ils avaient dormi dans des lits séparés, parce qu'il n'y avait pas de chambre libre à lit matrimonial. Giancarlo avait tenté d'expliquer au tenancier que sa femme et lui étaient en voyage de noces, mais Maria Rosa avait tout de suite coupé court en disant « Tu vois bien que ça n'est pas possible. » Giancarlo a trouvé une échoppe ouverte au début de la Via San Martino, une sorte de café où, bien entendu, ne vont que les hommes. Il y est entré. 3 tables sont occupées par des joueurs de cartes. Giancarlo s'assoit à celle de l'entrée et demande une bière. La bière, Robert. Piccolo media. Media. Il se réjouit déjà de sentir le liquide descendre dans sa gorge, puis dans l'œsophage, puis dans les boyaux. Comme Maria Rosa n'est plus là, c'est comme un péché qu'il va commettre avec délices, qui va glisser doucement dans son intérieur, rafraîchir son cœur et son esprit et l'enivrer légèrement. Giancarlo est maintenant libre de braver l'interdit. Il accomplit l'irréparable et cela lui donne un sentiment exalté de bonheur, à chaque fois renouvelé. Dès le début, Maria Rosa avait proscrit toute sortie inconsidérée dans la rue et, de toute manière, toute visite au comptoir de boissons. Et Giancarlo avait perdu ses amis. Ses collègues le moquaient. Il lui a sorti des couilles à ta femme. Quand il faisait trop chaud, vers les 2 heures, les volets de l'imprimerie étaient fermés. Malgré cela, on transpirait jusqu'à l'assèchement, au point que la sueur grasse se mélangeait à l'encre et qu'on risquait des taches sur le papier. Chacun son tour payait une tournée qu'il avait préparée dès le matin et emportée sur la bicyclette ou dans la Cinquecento, emballée dans des journaux pour la garder au frais. Évidemment, cette bouteille-là n'entrait pas dans les comptes de Giancarlo. De même, à la maison étaient totalement passés sous silence les regards pleins d'envie qu'il jetait aux petites femmes passant dans la rue devant l'imprimerie quand les volets étaient ouverts. Si les filles se donnent tant de mal pour s'habiller, se coiffer et faire toutes ces choses dont elles savent que cela va faire envie, de sorte que tous les hommes se retournent sur elles, sauf les aveugles et les imbéciles, il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Quand Giancarlo regarde une fille passer dans la rue, se mettre à bouger les fesses comme si elle avait des vers, jeter ses cheveux en arrière d'un coup de tête qui projette sa poitrine en avant et balance ses reins, s'arrêter au bord du trottoir pour faire comme si elle attendait l'arrêt de la circulation, alors que, sans qu'on le lui ait jamais appris, elle sait exactement l'effet qu'elle peut produire et que, dès qu'elle aura posé le premier escarpin sur le goudron, les voitures s'arrêteront instantanément. À ce moment-là, en tout cas, Giancarlo ne fait de mal à personne. Il regardait les petites femmes qui passaient dans les rues. D'ailleurs, ces dernières années, les petites femmes n'étaient plus si petites que ça. Elles avaient souvent maintenant la taille des mannequins qu'on voit à la télévision. Mais cela ne les empêchait pas d'être belles comme des déesses et d'avoir des poitrines beaucoup plus belles que celles de Maria Rosa. Bien sûr, Giancarlo ne pouvait pas réellement médire des seins de sa femme puisqu'il ne les avait jamais vus. Mais tout de même, ce qui passait devant lui et lui faisait perdre contenance était 1000 fois plus artistiquement fait. Cela se devinait à travers les étoffes légères et frivolantes ou les tissus qui collent à la peau. Giancarlo en avait des vertiges. Giancarlo avait été beau. Il aurait pu trouver mieux que Maria Rosa. Par-dessus le marché, celle-ci était devenue, au fil des ans, de plus en plus mégère, jusqu'à sa mort à la suite d'un ictus il y a maintenant 2 mois. Autant elle avait un brin de volupté le jour des noces de Néné, qui lui donnait du charme, en tout cas le charme qui convient à des hommes comme Giancarlo. Autant, dès la nuit de noces qui n'en fut pas une, elle perdit de son attrait, qui disparut définitivement avec le désir de son jeune mari. Puis les mois et les années la rendirent terne et insignifiante. Ses bras grossirent comme des pastèques, au point que les marques du vaccin contre la tuberculose avaient pris la forme de 2 soleils de 6 centimètres de diamètre. Ses seins avaient disparu dans l'épaisseur morbide du ventre. Les jambes étaient devenues bleues, énormes et flasques. Enfin, le visage s'était transformé en une boule molle et graveleuse. Sous le nez, ce n'était plus une ombre, mais une forêt. Et les testa di cazzo s'y perdaient dans un souffle nauséabond. Le jour du mariage de Néné, Maria Rosa s'était enquise auprès de Giancarlo de l'état de ses finances. Il dansait alors au milieu des convives, dans un jardin emprunté par les parents de la jeune épouse, qui, on le disait déjà, ne valait pas une lire. La femme de Néné n'en vaut pas davantage aujourd'hui qu'elle est moribonde. Giancarlo avait donc répondu innocemment aux questions de la fille. Après le service militaire, il était entré comme commis à l'imprimerie Pisani de la Via Segeste. C'est pourquoi il avait pris ce logement de la Via Petrella, où il vivait encore, à cause de la proximité des rues. Et c'est tout. Et que veux-tu d'autre? Ah, je sais pas, c'est un bon travail. Ah, pourquoi non? Oh. Giancarlo était typographe. Son salaire était suffisant pour une petite famille. C'est ce qu'il dit à Maria Rosa. Mais celle-ci ne fut satisfaite que quand elle comprit que le père de Giancarlo, qui n'avait que deux fils, était propriétaire d'un immeuble bourgeois à Chaca, sur la place de l'église San Michele. Il y vivait et y louait des appartements et une boutique. Ainsi, à minuit de ce soir-là, Maria Rosa connaissait tout ce qu'il y avait à connaître de Giancarlo et cela lui convenait. Comme il dansait, le garçon tenait la tête penchée sur l'échancrure du chemisier de Maria Rosa. Un moment, elle eut peur que les yeux du jeune homme ne tombent entre ses seins et qu'on s'en aperçoive. Elle coupa court à la dernière danse et entraîna sa proie sur un banc calé contre un olivier. Dans l'ombre, elle demanda sa main à Giancarlo. Cette proposition mettait le monde à l'envers, mais convaincu du bien fondé des intentions de Maria Rosa et de ses seins qu'il ne quittait pas des yeux, il accepta sur le champ. Mais aujourd'hui, il le sait, c'est à cet instant qu'il aurait dû se méfier. Non contente de ne pas lui laisser toucher la peau de sa poitrine ou même tâter ses seins à travers le tissu de la robe, elle n'avait pas non plus accepté un seul baiser, prétextant qu'il n'était encore que fiancé. Nous n'étions même pas fiancés. Nous n'étions rien du tout. Où a-t-on vu qu'on ne peut s'embrasser ni toucher les seins ou quoi que ce soit d'autre sans fiançailles officielles, qui d'ailleurs n'eurent jamais lieu? Dès le lendemain, Maria Rosa présenta le garçon à ses parents qui habitaient un logement étroit d'une ruelle malfamée de Chaca, au-dessus du port. Séance tenante, informés du futur héritage du désormais promu fiancé, ils engagèrent leur fille selon la tradition. Ils jurèrent par la Madone et par San Calogero qu'ils se portaient garants du serment de la fille, de même qu'ils comptaient que Giancarlo tiendrait son engagement. Comme le nouveau fiancé devait regagner son travail à Palerme le surlendemain du mariage de son frère, dans la même journée, il présenta la belle jeune fille à son père. Celui-ci ne dit rien, encore abattu par le mariage sordide de son fils aîné. Par la suite, tout Chaka parla du désastre injuste qu'avait subi cette famille qui pouvait espérer une autre descendance que celle qui se dessinait. Le père de Giancarlo regretta de ne pas l'avoir empêché de se marier si vite, comme il regrettait de ne pas avoir empêché le mariage de Néné, son fils aîné. Pour ce qui est de la nouvelle famille, elle prit naissance 11 semaines plus tard dans l'église San Giuseppe dei Teatini, puis à la mairie de Palerme. C'est dans la capitale que la famille de Maria Rosa voulut organiser les noces, dans un restaurant des plus chics du centre de la ville, contre la coutume qui veut que cela se passe dans la ville où la promise est née, en Sicile comme partout dans le monde. La note fut payée par le père de Giancarlo. Les autres n'avaient pas la première lire pour le faire. Les parents de Maria Rosa convièrent les amis, les alliés, les apparentés et les proches. Principalement ceux de la famille de Giancarlo, dont on attendait les plus somptueux cadeaux. De la salle à manger en bois des îles sculptée à 1,5 million, à la chambre à coucher avec armoire à glace galbée à 2 millions de lire, du service de table en porcelaine dorée à la cocotte en fonte des usines de Milan. La plupart des amis se cotisèrent, éberlués, ce qui était en avance sur l'époque. L'ensemble de cet ameublement modèle fut exposé dans une salle attenante au restaurant. Chacun put ainsi admirer les éléments du nid des nouveaux époux. Le plus drôle, pensa Giancarlo, c'est que tout ceci n'aurait pu entrer dans son appartement, même s'il en avait vidé ses objets personnels. Les meubles déposés dans un entrepôt le lendemain du mariage furent vendus 2 ans plus tard, faute de paiement. Le soir de la nuit de noces, qui n'en fut pas une, Maria Rosa avait dit « On ne fera qu'un enfant. » Dans la chambre de l'hôtel de Pise, cette nuit-là, attendant plus que nécessaire, la nuit du train de Rome, assis sur les banquettes n'ayant rien donné, Giancarlo s'était levé sans bruit au bout d'un temps suffisamment long. Il s'était approché du lit de Maria Rosa. Elle était en veille. Elle se retourna brusquement. Il recula d'un pas. Qu'est-ce qui te prend, testa di cazzo? C'était le premier testa di cazzo. Giancarlo retourna dans son lit. C'en était fait des seins de Maria Rosa. C'est ainsi que commença le long calvaire de Giancarlo. Il commande une seconde bière qui accentuera encore l'état de sacrilège et de grâce où il se trouve. Il pense aux femmes du port. Maintenant qu'il est libre, sa femme enterrée définitivement à ses frais exclusifs, puisque les parents de Maria Rosa n'ont pas levé le petit doigt, Giancarlo se dit qu'il pourrait bien aller au port. Là, au moins, les filles se foutent de l'âge de leurs clients. Ce ne sont plus les Siciliennes de jadis, bien sûr. Le monde se modernise. D'autres ont pris leur place. Il les a vues un soir, quand il revenait de chez les gardes-côtes. La barque qu'on lui avait volée avait été retrouvée devant la plage de Mandello. Il était allé jusqu'au port, avait rempli les papiers pour récupérer son bien et était ressorti à la nuit. Les filles, de magnifiques négresses de 2 mètres de haut, fines comme des anges de l'Annonciation, marchaient dans l'ombre des murs du port, sous la lumière caressante de l'Excelsior amarré à quai. Les filles s'offraient comme la glace dans la brioche aux premiers venus capables d'en payer le prix. Giancarlo avait regardé de loin, par curiosité, puis s'était approché. Elle le voyait et riait. La bière est descendue, doucement, presque tendrement. C'est une jouissance. Giancarlo n'est pas si vieux que ça. S'il s'arrangeait un peu, il ira chez le barbier. Depuis la mort de sa femme, il se laisse aller. Non qu'il ait la moindre peine ni le plus petit chagrin. Au contraire. Son vieux père, qui pourtant n'est jamais grossier, lui a dit « Te voilà débarrassé d'une sale morue. Toi et ton frère, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous coller ces greluches. » Quand, un an après le mariage, Maria Rosa décida que l'heure était arrivée de faire ce qu'il fallait pour qu'elle soit enceinte, Giancarlo n'en avait plus aucune envie depuis longtemps. Ho voglia di farlo, t'as lì, un sogno bello. Ah, vai a farti scopare da un altro, hein? È inutile che ti indrizzi e fai cannola. Il refusa de l'engrosser. Elle le traita de tous les noms, mais rien n'y fit. Pendant 2 heures, on entendit dans la Via Petrella les pires insultes et les plus terribles saletés qu'on puisse connaître dans toute la Sicile. Può essere soltanto la madre d'un cavolfiore, vecchia com'è. Ah, mia, mi dici chisto. Tu c'ho la moda chi manco si ci mette un legno s'attisa. O vuoi sapere? Lo penso che tu sia arroso. Arroso io? Sì, arroso. Tappinara. C'ho la moda. Pecora lunatica. Apparo. Stigio a ributtuto. E ainsi de suite. Le temps d'assécher leur langue qui commençait de se fendre en deux quand ils se séparèrent l'un dans la rue, l'autre dans la chambre. Ce fut l'unique véritable dispute de toute la vie du couple. Maria Rosa comprit qu'il n'y aurait rien à faire, qu'elle n'aurait pas d'enfant. Elle en éprouva une amertume qui dura toute sa vie, se transforma en bile qui imprégna son foie et provoqua l'ictère. Celui-ci dura 2 ans. La bile ne se contentait pas du foie. Elle entra dans l'estomac qu'elle rongea en partie, s'épanchant dans le ventre qui ne manquait pas de place. Elle remontait parfois jusque dans la gorge. La maison était alors submergée d'une odeur prégnante qui jamais ne s'en allait, bien qu'on ouvrit alors portes et fenêtres. Au lendemain des funérailles à Chaka, Giancarlo descendit du bus qui le ramenait à Palerme. Il se rendit immédiatement chez le droguiste de la Via San Martino. Il acheta une montagne de produits désinfectants et désodorisants qu'un employé apporta aussitôt sur sa charrette. Giancarlo nettoya, aseptisa, vida 12 bombes aux chanteurs de fleurs. Puis il sortit boire quelques bières chez Mario. Quand il rentra chez lui, l'odeur avait disparu. Si sa femme avait été blessée, dans son orgueil seulement, lui-même avait souffert longtemps de ne pas avoir d'enfant. Il y a beaucoup de monde à la terrasse de l'Alba, sur la Piazza Don Bosco. Vincenza a laissé sa voiture à l'ombre, sous les arbres. Elle s'est assise à la dernière table, dans l'angle où souffle un peu d'air. Le jeune homme qui l'a invité est allé commander les brioche gelati. Il porte un pantalon léger coquille d'œuf et une chemise impeccable à rayures bleues et blanches. Mais pas de cravate, à cause de la chaleur. Avec les lunettes solaires relevées sur son épaisse chevelure noire, il a tout de même de l'allure. Les femmes se retournent sur lui quand il entre dans la pasticceria. Ce n'est pas une de ces gelaterias vulgaires, bien qu'ici la population soit très mélangée. C'est un endroit qui a de la tenue et où Vincenza vient souvent, seule ou accompagnée, pour déjeuner à midi. Elle est vêtue d'une robe noire échancrée sur le devant, tenue aux épaules par deux fins cordons noués. Son dos est nu et bronzé, comme son visage. Chaque été, tous les jours, en fin d'après-midi, elle va à la plage profiter du soleil et nager dans l'eau bleue. Vincenza ne travaille pas beaucoup. De temps en temps, quand cela se présente, elle traduit quelques textes français. Elle a suffisamment de relations pour ne pas manquer de pratique, mais elle répond souvent quand on lui demande « Je suis désolée, mais je n'aurai pas le temps. » Ce n'est pas qu'elle n'a pas le temps, c'est seulement qu'elle choisit ce qu'elle traduit. Parfois, elle se dit qu'elle aimerait bien trouver une activité qui la satisfasse, mais à vrai dire, elle ne cherche pas. Pourquoi faire ? Pour quelle ambition ou pour quelle famille à nourrir de ses propres deniers ? Les propositions n'ont pas manqué quand elle a eu ses diplômes. Les amis de ses parents lui ont fait toutes les offres possibles, qu'elle a toutes refusées. Le garçon est revenu et tient les deux brioches pleines de glace, une dans chaque main. Elle ne peut s'empêcher de penser... Mon Dieu, qu'il a l'air couillon. Personne ne s'est rendu compte de cela. Et les femmes continuent de le regarder et de le manger des yeux en même temps qu'elles aspirent avidement leur propre glace. Pour ne pas se démoraliser, elles évitent que leur regard aille jusqu'à Vincenza. Dès le début, elles ont discerné son extrême beauté. Les hommes aussi sont tournés vers la table, pour Vincenza. Eux sont désespérés de voir ce crétin avec cette femme-là. Eh bien, tu vas t'asseoir ? Bien sûr. Tu veux boire quelque chose maintenant ? Non, tout à l'heure. Ce n'est pas la bonne heure pour venir ici. T'as vu le temps que j'ai mis ? La plupart du temps, oui. Les garçons l'énervent. J'ai vu. Lui, comme les autres. Il y a tellement de monde. Comme tous ceux qui la regardent en ce moment à la terrasse. Trouver un endroit plus tranquille, non ? Tandis que les femmes hésitent entre le bonheur de s'abreuver de la vue du beau jeune homme à la chemise à rayures et la jalousie féroce qui les assaille de voir leurs hommes déshabiller Vincenza du regard. Vincenza, c'est tout cela, depuis longtemps. Si elle en tirait profit au début et en éprouvait un réel plaisir, à présent, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Tant qu'on la laisse tranquille, les hommes et les femmes peuvent bien la regarder ou non, penser ce qu'ils veulent d'elle ou des gens qui l'accompagnent, c'est le cadet de ses soucis. Enfin, si tu es libre ce soir. Bien sûr. Un peu d'air frais qui a longé les murs à l'ombre de la Via Massimo d'Azeglio lui vient sur le visage et descend sur son ventre. Elle voit les yeux de sa sœur dans le liquide bleu marine et les petites vagues blanches qui se posent sur la côte escarpée mais douce des contreforts maternels. Vincenza est née jumelle, mais seule à la naissance, elle l'est demeurée toute sa vie. La petite Francesca était une enfant mort-née. Vincenza n'a jamais su si la faute pouvait être imputée à son père ou à sa mère. Elle adorait son père au point qu'elle ne pouvait envisager sa possible responsabilité. Elle aimait tellement sa mère qu'elle avait évacué tout de suite l'idée d'une erreur possible de sa part. Francesca, peut-être, n'avait pas voulu venir au monde. Sans doute savait-elle ce que Vincenza ne savait pas encore. Que la vie ne vaut pas d'être vécue, que l'amour n'existe pas si ce n'est celui des liens du sang, et celui-là qui devrait tenir toujours et briser avec brutalité. Quoi qu'il en soit, les deux reins de Francesca étaient attachés à ceux de Vincenza à l'intérieur de son corps, quand leur mère ouvrit les jambes pour vider son ventre des fruits de son amour. Francesca sortit la première, pour atténuer la douleur de ses parents, et laisser ensuite Vincenza répandre le bonheur. Francesca était toute petite, recroquevillée et fripée comme une poupée de chiffon. Ses yeux étaient éteints, mais elle les avait fermés pour qu'on ne les voie pas. Vincenza ne peut oublier son regard. Quand elle nageait comme des algues, lentement bercée par les soupirs dans la mer maternelle. Elle connut la détermination de sa sœur à l'instant où elle lui lâcha la main pour sortir au jour et mourir au monde étranger. Le plus simple que je passe te chercher. Bien sûr. Tu ne manges pas? Tout va être fondu. On prit le petit corps et on le tendit à bout de bras vers le ciel, raconta sa mère. On pleura toutes les larmes possibles, qui par le fleuve Oretto gorgèrent la Méditerranée, recouvrirent Lampedusa et Porquerolle, envahirent les plages d'Alger et de Sète, noyèrent Gibraltar et Tanger, et firent une vague sur l'océan qui poussa les bateaux sur les plages de Bluefields et de Puerto Cabeza, et remonta le fleuve Wanki jusqu'à Waspam où elle mourut, tandis que les Indiens qui s'y baignaient priaient pour les péchés du monde. La douleur fut plus grande encore que les vagues de la mer. Et quand le petit ange devenu bleu fut porté dans le cercueil blanc aux poignées d'or jusque dans la terre des aïeux, on n'eut plus de larmes tant les êtres s'étaient asséchés et tant le soleil brûlait la moindre humidité. Cela te convient mieux? Mais je n'en veux pas d'autre. Tu m'as dit oui. Laisse tomber, ce n'est pas grave. Mange-la toi, si tu veux. Je n'ai pas faim, excuse-moi. Et le jeune homme, sans cravate, mais élégant tout de même, mange la seconde brioche. On a débarrassé celle de Vincenza qui s'est écoulée sur l'assiette, puis sur la table, et on a tout nettoyé. Vincenza décide de porter un peu plus d'attention au jeune homme que les femmes regardent toujours. De temps en temps, prétextant de chercher des cigarettes ou des mouchoirs dans leur voiture, elles font le détour par l'angle de la terrasse et remuent les hanches invariablement devant lui, comme pour éviter de le toucher. Vincenza allume une cigarette. Elle ne fume que des anglaises. Pas du tout par snobisme, mais parce qu'elle aime le goût du tabac de Virginie, qui le matin après le café lui fait un peu tourner la tête. Tu m'as dit où ce soir? Au spa, Simon. Je te prends à 9h. Où tu veux, comme on a dit. Non, j'irai directement là-bas, je préfère. C'est pourtant beaucoup plus facile. Non, c'est quoi exactement? Tu m'as pas écouté? C'est cette chanteuse du Mali, la nouvelle voix de l'Afrique. J'y serai à 9h30. Puis le jeune homme que les femmes épluchent des yeux se lève, s'essuie la bouche avec une serviette de papier et il salue Vincenza en lui tendant la main par-dessus la table, l'air de dire... Je ne te baisse pas maintenant, je suis occupée. Ce soir, il sera temps. Sans doute, aucune femme normale ne peut lui résister. Mais Vincenza n'en a guère envie, et encore moins si c'est possible, lorsqu'elle regarde sa bouche. Quand il croit reconnaître en elle du désir, elle ne voit sur lui que les traces de chocolat aux commissures des lèvres. Depuis ce jour azur où la moitié de sa vie s'était arrêtée, Vincenza portait 4 reins qui tous fonctionnaient normalement. Ses parents la chérissaient comme le pêcheur de perles vénère la petite boule noire et unique qu'une seule fois dans sa vie il a eu la chance de trouver. Ils la portèrent à tous les médecins qui tous leur demandèrent d'être patients et d'attendre l'âge adulte pour une intervention. Bien sûr, l'enfant puis l'adolescente faisaient l'objet de visites régulières dans les hôpitaux de Rome et de Paris. Et elle grandissait dans la tendresse de ses parents. Le père, qui était petit, avait son cabinet de notaire dans le Corso Vittorio Emanuele, au premier étage du Quattro Conti, presque face à l'église San Giuseppe. Une partie des fenêtres donnait à l'arrière, et Vincenza aimait que son père la regarde quand, rentrant de l'école, elle jouait près de la fontaine sur la place de l'hôtel de ville, attendant qu'il sorte et la raccompagne à la maison. Son père s'occupait de successions familiales. Cela ne l'empêchait pas d'avoir de bons revenus, qui lui permettaient de subvenir à tous les besoins de la famille et de faire tout ce qu'il convenait de faire pour sa fille bien-aimée et unique, et encore davantage. La petite avait fait ses études dans les meilleurs établissements. En quittant le lycée à 17 ans, elle parlait couramment le français et l'anglais. C'était exceptionnel pour une fille de son âge. Elle était sportive, nageait comme une sirène, faisait du ski à Cervinia, où ses parents l'emmenaient chaque hiver. Elle surpassait tous les garçons aux osselets. C'était la reine de la salsa et du rock. Depuis l'âge de 16 ans, elle passait chaque année un mois d'été dans une famille parisienne. Le reste des vacances, elle voyageait en Italie avec des amis, ou se dorait sur les plages de Mandello ou de Cefalo. À l'université, elle choisit la littérature française, alors qu'un avenir prometteur l'attendait dans la magistrature, la médecine ou l'architecture. Une ribambelle de garçons sur les plages ou à la faculté tentait de s'assurer sa compagnie. Elle ne les fuyait pas, mais aucun ne trouvait grâce à ses yeux. Il lui semblait insipide ou con. C'est alors qu'elle pensait à sa sœur et qu'elle lui en voulait. C'était, se disait-elle, à cause de l'absence de Francesca qu'elle ne pouvait se fixer. Que l'amour qu'elle avait pratiqué suffisamment lui semblait vide. Que le monde des hommes lui paraissait terne et qu'elle ne pouvait envisager aucune liaison durable. Sa sœur lui manquait terriblement et elle croyait parfois que les deux reins supplémentaires qu'elle avait dans le dos étaient de trop. Aucune des soirées mondaines auxquelles elle était entraînée, aucune nuit d'étudiant, aucun rendez-vous de plage ou de bar n'avait apporté l'homme espéré. Le 14 août de ses 25 ans à la nuit, comme elle venait de garer sa voiture sous l'appartement de ses parents au retour de Cefalù, elle eut un sentiment de vertige et d'abandon terrible. En montant l'escalier, elle se retint à la rampe de fer forgé et de bronze. Elle s'assit quelques minutes sur une marche de marbre noir. Ses parents devaient être revenus de Trapani, où ils avaient dîné chez des amis. Elle sut, avant d'ouvrir la porte de la maison, qu'il ne serait pas là et qu'elle ne les verrait plus. Une demi-heure plus tard, le coup de téléphone des carabiniers lui annonçait ce qu'elle savait déjà et qui lui serrait les reins. Son père et sa mère étaient morts dans leur voiture, d'une embardée sur la route. Pour la seconde fois, elle était seule. Le serrement des reins, qui est le signe de Francesca pour que sa jumelle n'oublie pas de vivre, dure encore aujourd'hui, bien qu'elle n'ait plus que deux reins. Et si Vincenza aime la présence de sa sœur dans son dos, ce dont elle est certaine aujourd'hui, elle trouve à présent exagéré que ce pincement dure si longtemps. Parfois, quand elle rêve la nuit aux eaux marines où elle tient les mains de sa sœur, tandis qu'elle vogue doucement dans le liquide au-dessus des abysses, elle lui demande « Tu ne veux pas me lâcher un peu ?» Et Francesca rit et tourne sur elle-même la tête en bas comme font les petites filles dans l'eau près des plages pour épater les garçons. La vie de Vincenza n'est que solitude. Mais personne ici, à la terrasse de l'Alba, ne sait son désarroi. Ni personne nulle part. Parce qu'elle montre toujours une fausse image d'elle-même. Soit comme à présent, qu'on l'imagine difficilement accessible, ce qui, pour des raisons différentes, bien entendu, fait augmenter l'adrénaline dans le sang de ceux et de celles qui la regardent. Soit qu'elle se donne un air enjoué, celui des filles qui savent mettre l'ambiance partout où elles se trouvent, chantant, dansant, buvant, racontant les pires histoires drôles. Mais que ce soit l'une ou l'autre image qu'elle montre, ce n'est jamais la sienne. Le jeune homme aux jambes coquilles d'œuf traverse la rue encombrée de voitures. Il a fait son petit show sur le bord du trottoir pour ne pas perdre la main, attendant quelques minutes pour traverser sous le prétexte d'une circulation épouvantable et dangereuse avant de rejoindre son bureau de l'autre côté de la place. Évidemment, les yeux de toutes les femmes, sans exception, se sont tournés vers le trottoir, ainsi que leur bouche en cul de poule, et cela fait sourire Vincenza, qui allume une autre cigarette. Son désir est pourtant simple, avoir un homme qu'il aimerait, tout simplement, et lui donnerait ce qui lui manque, et qu'elle pourrait aimer, tout simplement, en lui donnant ce qu'il n'a pas. Mais cela semble si compliqué et tellement impossible. Vincenza se lève pour aller à sa voiture et sent, quand elle passe près des tables, le sifflement des serpents et le souffle des ours. Ce soir, elle fera comme toujours. Elle ira au concert et après le dîner chez Biondo ou à la Scuderia, elle sera dans le lit du garçon aux rayures bleues et blanches à minuit et elle n'en aura rien à faire. Elle entendra les conneries qu'il racontera avant, pendant et après. Ou pire encore, il aura le malheur de se croire amoureux. Comme un homme peut tomber amoureux de Vincenza à cause de sa tête bien faite et de son corps parfait. Le corps surtout. Cela deviendra insupportable, elle aura mal aux reins, les hommes ne savent pas se taire. Il y a 3 ans, elle en avait 24 et ses parents vivaient encore. Elle était tombée sous le charme d'un jeune avocat qui venait de prêter serment au barreau de Palerme, au moment où Andreotti était au banc des accusés. Le tribunal et la ville entière étaient sous la protection et la surveillance d'une armée de flics, de carabiniers et de soldats. Angelo, le jeune avocat, était très fier de pouvoir entrer dans le tribunal. Et Vincenza aimait lui tenir le bras pour l'accompagner aux grilles, puis le regarder traverser la grande cour jusqu'aux marches. Elle le trouvait beau et intelligent et aimable et drôle. Quelque temps avant cette idylle, puisque ce ne fut que cela, Vincenza avait subi une intervention chirurgicale à Lausanne. On avait finalement procédé à l'ablation des 2 reins superflus, parce qu'il en était temps. Vincenza n'aima pas cette idée. Puis quand cela fut fait, elle crut que c'était les reins de Francesca qu'on avait enlevés. Elle était perdue. Elle se fichait de donner les siens, mais pour rien au monde, elle ne se serait séparée de ceux de Francesca. Rentrée à Palerme, elle recommença tout de même à sortir après quelques semaines et elle rencontra Angelo à une soirée de jazz. Ils s'étaient plu et ils voyagèrent ensemble pendant les mois qui suivirent. Quelques jours de ski à Val d'Isère, quelques jours de flânerie à Paris et encore à Rome et à Londres. Tout se passait si bien que Vincenza pensait avoir trouvé son homme. Mais comme tous les hommes de Palerme, Angelo était bavard, extrêmement bavard. Il ne pouvait baiser, pensait-elle, sans poser 1000 questions dont les réponses devaient le rassurer, mais qu'il n'obtenait jamais. Tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? Vincenza. Dis-moi, c'est quoi pour toi l'amour? Hein? Et ainsi, une suite de questions ordinaires et redondantes qui ne mènent à rien et qui ne vont en tout cas pas changer le passé. Il pouvait également expliquer par 1000 formules épiques son amour unique pour elle. C'était proprement infernal. Elle aimait d'autres. Elle avait tenté de s'y habituer, mais elle avait du mal. Oui, j'insiste. Quand il commençait, après qu'ils s'étaient séparés de l'étreinte, s'étaient étendus chacun d'un côté du lit et qu'elle avait allumé une cigarette dans son propre silence, elle lui disait « S'il te plaît ». Mais cela n'avait aucun effet. Et elle répétait, presque suppliante. S'il te plaît, Angelo. Cela lui rappelait Lady Mackinson dans Le Blanc à lunettes, qu'elle avait lu hier quand elle était plus jeune. malgré l'heure, malgré le lieu qui n'était pas le sien, et malgré la situation, cela pouvait parfois la faire sourire, au point qu'Angelo en était désemparé et que cela augmentait encore sa logorrhée. Tout le plaisir et tous les enfants qui auraient pu se faire fichaient le camp dans l'égout des toilettes. Une nuit, alors qu'elle était sous lui qui ahanait comme un cheval au labour, qu'elle le regardait faire, pour la première fois avec un grand détachement et un étonnement saisissant, sans éprouver aucun plaisir, elle ressentit une douleur aiguë et profonde dans le creux de ses reins. Tellement forte que brusquement, d'un coup de son ventre tendu vers le haut, elle projeta Angelo hors du lit. Se leva immédiatement, s'habilla, claqua la porte, descendit les escaliers et dans la rue, monta dans sa voiture et démarra. Elle ne revit jamais Angelo, qui ne tenta pas de la revoir. Dès lors, Vincenza sut qu'elle vivait avec les reins de sa sœur. Francesca avait viré son amant. Elle en éprouva un bien-être immense, malgré la douleur qui persistait. Dans sa chambre qu'elle regagna sans éveiller ses parents, elle distilla le bonheur d'avoir retrouvé sa sœur. Plus tard, la douleur s'estompa. Elle devint un simple serrement tout à fait supportable. Puis cela aussi disparut totalement, jusqu'à l'accident de l'autoroute de Trapani. J'en veux une autre. Pourquoi ? Et le voici à la limite de l'indécence. Bien sûr, personne ici n'y fait attention, et de toute manière, personne n'y trouverait rien à redire. Mais lui, le sait. Il dépasse les bornes. Il est au bord de l'enfer, s'il n'y est déjà. Mais Dieu, que c'est bon, l'enfer. Trois bières, c'est tout de même beaucoup. Mais pourquoi non ? Hé, tu veux une cigarette ? Que tu me regardes comme ça ? Il y a un homme au comptoir qui fume. Excuse-moi. Tu n'as pas à t'excuser, Cassio. Tu en veux une ou non ? Pourquoi non ? Maintenant, Giancarlo fume. Il n'a jamais allumé une cigarette hors de chez lui, même pas au travail quand on faisait une pause. Après tout, ici c'est encore meilleur. S'il avait le courage, il quitterait son appartement. Il ne peut plus le sentir. Pas à cause de l'odeur de la bile qui a définitivement disparu, mais à cause de l'incroyable quantité de jugements sans appel qui ont été proférés ici et qui encrassent les murs. Depuis qu'il est seul, ils sont encore plus lourds. Je me trouve bien d'être seul. La question n'est pas là. Mais depuis que je le suis, il y a tout ce qui traîne encore et qui est pire que les déchets dans l'eau et sur le sable d'Isola delle Femmine qu'on ne peut jamais débarrasser. Oh, tu dis quoi, là ? Qui, en tout cas, n'a pas été enterré à chaque. Tu n'as pas enterré quoi à chaque ? Comment ? Tu es de chaque ? Oui. Tu n'as pas l'air bien. L'homme écrase sa cigarette dans le cendrier sur le comptoir. Le gros rougeau qui était derrière s'est approché. Giancarlo se lève. Oui, ça va. Ça va très bien. Merci pour la cigarette. Je t'en prie. Il paie la bière et s'en va en saluant de la main. Sur le trottoir, tandis qu'il remonte la Via Dante, l'homme du bar l'appelle. Hé, hey, ton chapeau ! Oh, garde-le ou jette-le à la poubelle. Je n'en veux plus. Giancarlo s'est retourné et regarde l'homme devant le café qui agite les bras en l'air avec, dans une main, la casquette. Puis il se détourne et marche d'un pas bien plus assuré qu'à la descente. La montée n'est d'ailleurs pas difficile, se dit Giancarlo. La pente est faible et il aurait fallu ici autre chose qu'un œuf, une boule bien ronde, pour vérifier ce que disait l'homme de Pise. En sortant de chez le coiffeur qui lui a teint les cheveux au henné, Vincenza entre chez l'esthéticienne. Il fait chaud, les filles sont à la plage, le salon est vide. On n'a pas grand-chose à lui faire et on est bien obligé d'inventer des soins. Vincenza s'en fiche. Elle a envie qu'on s'occupe d'elle, elle veut bien qu'on lui fasse tout et on le lui fait. Des mains douces et habiles touchent la peau de son visage et y passent des onguents. Elle ferme les yeux. Quand elle était petite et sauvage, son père venait la coucher. Elle mettait les yeux dans les siens. L'œil de gauche de son père était plus grand que l'autre. Cela faisait frissonner Vincenza. Elle disait : ton œil de gauche est le plus grand des deux. Ce n'est pas mon œil gauche, c'est mon œil droit. Il est quand même à gauche. Il est à gauche quand tu me regardes. La gauche et la droite sont dans le sens de celui qui regarde. Eh bien, je te regarde et il est à gauche. Eh bien, la droite et la gauche sont dans le sens de la marche, si tu préfères. Le sens de la marche pour un homme, c'est le sens de la vue. Et pour quelqu'un qui marche en arrière? Personne ne marche en arrière. Si, j'ai vu un homme hier qui ramassait les feuilles dans la rue. Il marchait en arrière. Cela ne change rien. Il s'agit de considérer le sens normal de la marche. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit, ta gauche est du côté de ton cœur. Pour moi aussi, et pour maman aussi, et pour tout le monde. Ce qui fait que, quand tu me regardes, mon œil qui n'est pas le plus grand est à ma gauche, du côté de mon cœur. Et le plus grand est à ma droite, qui est à gauche. Et si on a deux cœurs? Cela n'est pas possible. Personne n'a deux cœurs. Son père la serrait contre lui et il restait comme cela longtemps. Vincenza avait le sens de l'amour paternel. Chaque discussion finissait comme cela et cela convenait bien au père et à la fille. Elle aimait que son père s'occupe d'elle, de même qu'elle adorait que sa mère lui caresse le dos quand elle la couchait le soir. Une nuit que la lune était froide et que l'hiver faisait semblant de venir, elle eut un cauchemar. Elle roulait sur les galets au fond de la mer bleue, mais sa sœur n'y était pas. Elle roulait, roulait, roulait, et cela ne s'arrêtait pas. La nuit dernière, Vincenza a refait ce rêve. Les cailloux étaient durs sous ses reins, mais Francesca était là. Beaucoup plus haut, plongée dans le liquide qui ne la touchait pas, qui tendait les bras en avant et les mains sans pouvoir l'atteindre. Comme quand elle était petite, celle-ci essayait de se tenir aux pierres, mais les galets roulaient aussi et l'entraînaient plus profond. Vincenza lâcha prise et tomba loin, très loin, et Francesca la regardait partir sans rien pouvoir faire, et ses yeux étaient terriblement grands. Vincenza ne sentait plus les parois rassurantes du ventre de sa mère, et quand elle voulut remonter en nageant, elle ne le put et sa bouche s'ouvrit toute grande. Elle avala l'eau marine et maternelle et se réveilla. Elle transpirait, assise sur son lit dans le grand appartement de la Viale della Libertà. Mais contrairement à jadis, sa mère n'était plus là pour entendre son cri. Petite, quand elle se réveillait, sa mère était près du lit. Et la prenant dans ses bras, elle lui pétrissait le bas du dos longuement à petites touches et tout doucement, Vincenza se rendormait. La tête calée sur l'épaule apaisante. Et les jambes? Je fais les jambes, hein? Non, vous me les avez faites la semaine dernière. Ça va comme ça. Vincenza paie la note. Elle se sent bien malgré la soirée qui s'annonce. Elle monte chez elle, s'étend sur le canapé et s'endort. Giancarlo est allé chez le coiffeur, via Segeste. Révision complète de la tête, cheveux, barbe, sourcils et poils du nez. La jeune coiffeuse lui a tout fait sans qu'il l'ait demandé. Elle était très gentille. Le patron n'était pas là et il n'y a pas de client par cette chaleur. Elle l'a arrangé au point qu'il a vu sa tête se transformer dans le miroir. Tandis que les autres filles au chômage papotaient au fond du salon, la très gentille fille essayait, tout en coiffant, épilant et rasant, de se tenir droite, de rentrer le ventre et de montrer ses atouts. En un mot, d'avoir le port d'une reine. Mais toutes les filles ne sont pas des reines. Et la très gentille fille était plate comme un doryphore. Malgré tout, pour son extrême gentillesse, Giancarlo lui donna 10 euros de pourboire et lui fit un grand sourire, tandis qu'elle avait la bouche ouverte, comme le bar qui va mordre un hameçon. Maintenant, il est chez lui. Il s'est lavé et il a enfilé une chemise blanche et un pantalon de toile grise légère, tout frais lavé et repassé, qu'il a pris en passant chez le teinturier. C'est comme cela qu'il fait depuis qu'il est seul. La nuit dernière, les filles noires volaient autour de lui comme des anges, et il ne pouvait les attraper. D'un côté, c'était tout noir, et de l'autre, vert et ensoleillé. Les anges noirs aux ailes dorées, aux seins plantés hauts et aux lèvres goulues, voltaient à droite et à gauche, nageant dans l'air de leurs longues jambes et de leurs bras déployés. Elles sortaient parfois du bleu azur du ciel pour entrer dans le noir, pas tout à fait. Et Giancarlo tentait de les saisir et à chaque fois qu'il sautait en l'air, les femelles célestes s'échappaient vers le haut. Il était à la limite de tomber. Ce noir maintenant lui faisait peur et il risquait gros à vouloir en jouir. Un moment qu'il était retombé d'un saut au bord du précipice de ténèbres et qu'il s'accrochait à l'herbe verte du pré lumineux, il entendit « C'est moi, je viens te chercher. » Il se réveilla. Il n'avait pas reconnu la voix et au matin il se demandait encore si ce n'était pas cette salope de Maria Rosa qui venait le narguer. C'est aussi pour cela qu'il décida de se faire couper les cheveux pour enlever toute pensée sordide qui pourrait y traîner et qu'on ne voit pas quand la tignasse est trop longue. Il fait nuit. Giancarlo veut aller vers le port. Il a pris sa bicyclette qui était dans l'appentis de la cour de la rue Petrella. Elle n'a pas roulé depuis la mort de Maria Rosa. Il descend la Via Dante, puis prend des rues sur la gauche et sur la droite. Il n'a pas mis de chapeau, puisqu'il n'y a pas de soleil. Non, c'est parce qu'il n'en a plus. Ce n'est pas exactement cela non plus. Il n'en mettra jamais plus. C'est décidé une fois pour toutes. Il était 9h quand la pendule de l'entrée a sonné, réveillant Vincenza en sursaut. Elle est au volant de sa voiture et tourne autour de la Piazza Marina pour entrer dans une ruelle, puis une autre plus étroite sur la droite, et encore une serrée davantage, au point qu'elle doit manœuvrer pour tourner et entrer sur le grand espace. Le jour, cela ressemble à un terrain vague, et à cette heure où la nuit n'est pas encore tout à fait là, cela donne une impression de grandeur disparue. Vincenza a laissé une pièce au noir qui lui gardera la voiture. Déjà, les lunettes dans les cheveux s'approchent. Le jeune homme l'attendait et l'a repéré de loin. Ils entrent, il a pris les billets. Elle ne parle pas, mais lui a déjà des choses à dire, elle en était sûre. Il commente l'article de la Sicilia, qui compare l'artiste de ce soir à Salif Keïta, et il lit ce qui est écrit en donnant ses impressions et tout ce qu'il connaît de la musique africaine. Cela promet. Vincenza se retourne pour regarder la salle, remplie de gens de bonne famille comme elle et comme son compagnon. Bien entendu, il n'y a pas un nègre en dehors de ceux qui sont sur le plateau. Le concert commence. Tout de suite, Vincenza s'ennuie. La chanteuse est pompeuse, maniérée. Les gens applaudissent à la fin de chaque morceau, comme pour un concert de musique de chambre. Sous la voûte étoilée de l'ancienne abbatiale, Vincenza remue. Elle s'est encore fourvoyée. Elle se lève au milieu d'un chant psalmodié, s'excuse rapidement auprès du jeune homme qui, en 10 secondes, perd 40 euros et sa soirée. Puis elle s'en va au milieu des « Chut !» Heureusement, le garçon ne bouge pas, abasourdi par cette fuite brutale. Vincenza regagne sa voiture avant qu'il ne soit trop tard. Elle roule à vive allure le long du port. Elle jette un coup d'œil aux longues filles noires qui stationnent dans le renfoncement de l'ombre, tout juste colorée par les lumières du Garibaldi qui attend son départ pour Naples. Au-dessus de la mer, sur le croissant de lune tiède couchée comme au sud, une petite fille agite les bras en avant et jette des galets. la douleur des reins disparaît. Dans la voiture, il y a seulement le bruit, comme d'un papillon qui s'écrase sur le pare-brise. Puis devant elle, la nuit s'est arrêtée, à peine trouée des feux rouges qui filent devant. La bicyclette descend la Via Enrico Amari et traverse. La roue avant est accrochée par la voiture, écrasée comme une branche sous le pied d'un éléphant, et l'homme vole en silence dans le ciel où tournent des chapeaux dans tous les sens. Il voit tout en bas les femelles nègres qui avalent leur salive et sifflent entre leurs dents. Elles ne mourront pas. La nuit devient ténèbres qui roule jusqu'au rouge. Giancarlo culbute dans le noir. Des vaguelettes viennent par moments remuer doucement les minuscules galets qui forment un ruban le long de la plage, comme un collier sans fin autour de la terre. Vincenza est étendue sur le sable, de côté à cause de son ventre rond comme le soleil chutant à la mer. Giancarlo a posé sa tête contre sa poitrine. De sa main droite passée au-dessus d'elle, il caresse les deux étoiles au creux de son dos. C'était Via Dante, de François Coltès. Avec Lara Brühl et Bruno Abraham Kremer. Et les voix de Giuseppe Furia, Elisabetta Barucco, Fosco Perinti, Gabriella Bonavera, Francesco Calabrese, Emanuela Paci, Corrado Invernizzi, Aude Massé, Ciro Mosella, Fedele Papalia, Rose Raguel. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Sophie-Aude Picon.